Va à Ninive et dis à ses habitants de tourner leur cœur vers moi, sinon je détruirai leur ville. » Jonas n'a pas du tout envie d'y aller. « C'est trop loin, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais !» crie-t-il découragé. Alors Jonas désobéit. Au lieu d'aller à Ninive, il monte à bord d'un navire qui part dans la direction opposée. Bientôt, Jonas s'endort profondément à l'intérieur du bateau. Mais voilà que, pendant son sommeil, une énorme tempête se lève. Le vent se met à souffler et des vagues gigantesques s'écrasent sur le pont du bateau. Nous sommes perdus ! Crient les matelots en secouant Jonas pour le réveiller. Tirons à la courte paille pour savoir qui a provoqué cette catastrophe, propose l'un d'eux. Le sort tombe sur Jonas. Tous les marins le regardent, furieux. Alors en tremblant, il avoue : Oui, c'est de ma faute. J'ai voulu fuir loin de Dieu. Jetez-moi par-dessus bord et la tempête se calmera. Les marins hésitent une seconde, mais voyant leur navire en danger, ils jettent Jonas à la mer. Le vent tombe aussitôt et les vagues s'apaisent. Jonas plonge dans l'eau profonde. Il a peur. Tout à coup, il se sent happé par un puissant courant et se retrouve, tout étourdi, dans le ventre d'un gros poisson. Il crie vers Dieu : « Pardon, Seigneur, délivre-moi !» Au matin du troisième jour, le poisson rejette Jonas sur le rivage. De nouveau, Dieu appelle Jonas. Lève-toi et va à Ninive. Cette fois, Jonas sait ce qu'il doit faire. Il se rend aussitôt à Ninive et il traverse toute la ville en criant sur les places et dans les carrefours. Changez de vie, sinon dans 40 jours, Ninive sera détruite. Touchés au plus profond de leur cœur, les habitants de la ville regrettent le mal qu'ils ont fait. Se couvrant la tête de cendres, ils demandent pardon. Alors Dieu, pris de pitié, accepte de leur pardonner. Et avec un regard de tendresse, il promet : Ninive ne sera pas détruite. Jean, l'enfant du miracle. Élisabeth et Zacharie vivent heureux dans un petit village de Judée. Ils sont fidèles à Dieu et sont aimés de tous. Un seul chagrin assombrit leur cœur. Ils n'ont pas d'enfant. Cette année-là, Zacharie est choisi pour faire brûler l'encens dans le temple de Jérusalem. À l'heure de la prière du soir, il entre seul dans le sanctuaire où se trouve l'autel de Dieu. Soudain, quel